Je vais vous présenter les trois intervenants qui vont vous parler aujourd'hui. En premier lieu, ça va être le président de l'équipe, M. Jacques Tanguay. Ensuite, le directeur du service des activités sportives, M. Gilles Lamboise. Et finalement, l'entraîneur-chef, Ben Constantin, pour vous adresser quelques mots sur la saison et le match concours qui s'en vient ce dimanche. Alors, M. Tanguay. Merci. C'est toujours agréable pour moi de vous rencontrer maintenant depuis au-dessus de 10 ans. Pour nous autres, c'est après avoir passé une longue été, le beau temps revient, le football revient également, et on a entamé le vendredi le camp d'entraînement du Rouge-et-Or. Quelques petites nouvelles, comme on vous a dit l'an passé, mais encore de plus près. Gilles va peut-être nous en aborder le sujet tantôt. On s'entend très prochainement à avoir une annonce imminente de nos trois paliers de gouvernement pour la réalisation du projet qu'on a entamé il y a 2 ans et demi. Donc ça nous excite. Même si ça ne touche pas énormément au club de football comme tel, ça va toucher, bien entendu, à vous tous, messieurs les journalistes, où on va être dans quelques années très fiers d'être capable de vous accueillir dans un environnement aussi professionnel que vous le méritez. Encore une fois, on apprécie énormément votre patience, parce que d'année en année, on n'a pas amélioré tellement nos installations pour vous recevoir, pour vous permettre de travailler. On essaye de mettre ça le mieux possible, selon les infrastructures qu'on a. On est très hâte de vous accueillir dans quelques années dans une infrastructure où vous allez pouvoir, où on va pouvoir compétitionner avec ce qui existe ailleurs au niveau des installations journalistiques. Également, la semaine passée, avec Shirley Ann, qui est notre directrice des opérations, on a lancé une mini-campagne de billets de saison. Qui a commencé mercredi passé et qui a donné d'excellents résultats chez l'ADAP. On a mis en vente 400 nouveaux billets de saison parce qu'on s'est permis de se réinstaller cette année 500 places de plus avec des estrades temporaires qui vont être installées. Gilles, tu pourras nous confirmer dans le droit tantôt. Ce qui nous permet d'offrir à tous nos amateurs de football de la région de Québec la possibilité d'acheter 400 nouveaux billets de saison. Et déjà en l'espace de 3 jours la semaine passée, on en a vendu une centaine. Fait que je pense que d'ici le début de la saison régulière, on devrait être capable d'atteindre ce nouveau plateau et qu'on espère pour les prochaines années. On va demeurer dans les prochaines années le plateau qu'on va être capable d'offrir à notre clientèle. Donc déjà, on sait qu'il va y avoir énormément de monde le 7 septembre lors de notre match d'ouverture officielle. Il va en avoir également contre Western parce qu'on va présenter cette année encore un match en concours de très haut niveau. Comme vous savez, au football, j'aime même pas utiliser le nom match à concours parce qu'on joue tellement peu de parties dans une saison que lorsqu'on a l'occasion de rencontrer une université du calibre de Western avec la qualité des entraîneurs qu'ils ont à leur tête également, on est excessivement fiers dans une saison régulière d'être capable de recevoir le club de l'Ontario et toujours prétendre d'affronter lors d'un match à concours comme on le fait depuis quelques années. Des clubs qu'on risque de retrouver sur notre route un petit peu plus loin lorsqu'on sortira si la saison nous permet, lorsqu'on sort du côté de notre division puis qu'on tombe en semi-finale canadienne. Bien, on aime bien se servir de ce match en concours-là pour voir la compétition par laquelle on va faire face. Et dans les dernières années, ceux qu'on a invités chez nous pour jouer ce match en concours-là ont toujours été des aspirants de haut niveau pour la semi-finale canadienne. Fait qu'encore une fois, on n'a pas invité n'importe qui, on a invité une équipe qui est très compétitive, qui va arriver ici préparée et qui va nous donner une idée là, de la compétition hors Québec qu'on devra affronter cette saison après les playoffs de notre division. C'est les quelques éléments que je vais vous discuter. Je vais avoir l'occasion de vous voir tous les jeudis d'avant-match lors de la conférence de presse que Glenn et Justin vont nous donner. Aujourd'hui, on est là justement pour que Glenn et Justin puissent venir vous parler un petit peu plus profondément de ce qu'on voit depuis 3 jours et du succès du recrutement qu'on a eu cette année avec le Rouge-et-Or. Merci de votre présence et je vous souhaite tous une excellente saison. Merci. Alors bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois. C'est le lancement de la saison avec le début du camp d'entraînement de l'automne. fin de la saison de football, puis la fin de la saison pour l'ensemble de vos gérants. Oui, le Louis, je m'excuse, j'ai du Louis, donc la ligne 2 à 100 ans, on est en train de préparer la relève en basketball pour l'année 2016. Alors, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui fréquentent le PEPS durant l'été dans tous les sports. Alors, ça fait partie de notre défi, c'est l'un des moyens qu'on a trouvé pour commencer à préparer la relève. Alors, une excellente saison de football qui s'annonce encore. Jean vous a parlé de la campagne de la saison, vous a parlé aussi de la foule qu'on attend à chacun des matchs. On a effectivement ajouté deux nouveaux estrades derrière la section 5 où on pourra accueillir des gens qui désirent avoir des sièges réservés. Ça nous a effectivement permis d'ajouter là, un 400 billets de saison nouveau. On a aussi une nouveauté, j'hésite à vous le mentionner parce que la négociation n'est pas encore terminée, elle est très ardue. Cette année, probablement que chacun des matchs de OGA sera diffusé en direct sur les ondes de CHRC intervenants. C'est excessivement difficile, je vous le dis. Là, c'est pour ça qu'on est arrivé un peu serré, genre quel monde. On a commencé à discuter de ça plutôt que de parler de la préparation de la conférence de presse de ce midi. Alors, une autre nouveauté, ce sera une autre amélioration, une autre caractéristique du OGA qui, comme à chaque année, offre toujours de nouvelles avenues, de nouvelles façons de faire. On peut s'attendre à une excellente saison. Vous savez que quand une équipe se maintient en tête, la mission que se donnent les autres équipes ou les compétiteurs, c'est de le déloger. Alors, je peux vous dire que dans les conversations que j'ai avec mes collègues des autres universités québécoises, ils s'en promettent et nous attendent. Ils ont hâte aussi. Un peu moins hâte peut-être de venir ici, mais ils ont hâte de nous rencontrer quand même. Alors, c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau début. Et je vous souhaite tout le monde. D'abord, je vous remercie de suivre attentivement le OGA. Je vous invite aussi à suivre l'ensemble des clubs parce que vous savez que nous aurons cette année des clubs extrêmement performants dans toutes les disciplines. Et on aura certainement l'occasion aussi d'en discuter davantage et de se rencontrer. Peut-être pour une autre occasion à laquelle Jacques a fait allusion tout à l'heure. On vit l'espoir. Merci. Alors, Glenn, je te passe le micro. Bonjour et bienvenue encore une fois à l'ouverture du camp d'entraînement de la saison 2008. Je pense que l'hiver a été long pour nous. Je pense qu'on est un groupe très très fier, très compétitif et on n'a pas eu la fin de saison qu'on aurait aimé. Je pense que tout le monde a pris les efforts au sérieux, encore plus que d'habitude. Je pense que c'est un peu un travail ardu au niveau des préparations des systèmes de jeu offensifs, défensifs, unités spéciales, voir ce qu'on peut améliorer, corriger. Et le recrutement aussi a été quand même très très bien l'année passée. On se cache pas derrière des blessures, mais on a manqué un peu de profondeur à certaines positions qui nous a fait jongler du personnel. Donc le recrutement a quand même été très très bien. On a augmenté au monde de nos nombres jusqu'à un moment donné, on avait 92 joueurs sur nos listes. On est vraiment 83. Beaucoup de profondeur, beaucoup de compétition. Je pense que les retours de joueurs blessés qui vont nous aider beaucoup, non seulement par leur performance et par leur leadership. Je pense même à M. Leblanc qui est ici, qui est non seulement un bon joueur, mais un très très bon vétéran, très très bon leader dans notre club. Des joueurs comme Joe Liberté, une recrue qu'on attendait de parce qu'il n'a pas pu jouer, Dominique Noël, Alex Surprenant, des joueurs qui ont eu des blessures, qui ont terminé la saison trop tôt, après deux matchs, d'autres après 3-4 matchs. Donc, le retour de ces joueurs-là, qui fait qu'on a un très très bon noyau de joueurs avec probablement une de nos meilleures classes de recrutement cette année, donc on est très très content de ce côté-là. Et ça rend les choses plus compétitives au camp. Quand on dit compétitif, on dit production. Donc on s'attend à avoir encore une fois un camp très très positif, être prêt à jouer du gros football au début de l'année. Le monde me souvent la question, Jérôme me demandait ce matin, pourquoi Western? Un coach qu'on s'entend très très bien, je pense que c'est une innovation amicale, c'est une innovation de respect où on va pratiquer contre les gens. On joue le dimanche et on pratique contre eux. Et donc, quand on fait ça, les pratiques c'est simulé. Donc, il faut que ce soit, c'est pas la guerre mondiale, il faut que ce soit constructif et qu'il y ait le passage qui se fait pour que demander quand tu joues tout le temps contre une pratique, tu joues tout le temps contre les mêmes joueurs, ça devient répétitif, des fois les émotions montent un peu trop haut. Donc c'est bon de frapper au couloir de classe à un moment donné. Donc Western, mais par contre, il faut que ce soit une intensité contrôlée, constructive, et on a une très bonne relation avec Western. Western, c'est une équipe qui est finie dans les top 4 l'année passée, quand on dit ça, ils avaient battu, et ont perdu leur 4 premiers matchs, mais pour se reprendre et gagner la conférence de l'Ontario, et ensuite s'incliner contre Manitoba, les champions de la Coupe Grey. Donc c'est un très très bon club, c'est un entraîneur qu'on parle beaucoup, son recrutement est très très bon, j'ai un joueur de la Caroline du Sud qui se joint à eux, et on a un joueur de Rice, M. Houston, qui se joint, donc c'est là qui recrute très très fort, il y a beaucoup de talent, donc ça va être un match très très très compétitif le premier match de l'année. Donc le monde veut avoir du bon football à Québec, je pense qu'il va avoir une très bonne équipe qui va se présenter ici le 24 août. Ensuite, le calendrier, je pense que c'est vraiment un gros défi pour nous. On roule pas pour elle demain le 7 septembre, excusez-moi. Et ensuite, on s'en va à l'Maritime le jeudi pour venir le dimanche soir contre Kia. Et on vient tard dans la nuit, on joue à Concordia, back-to-back. Donc ensuite, on joue un match de vendredi soir, on joue dimanche à la maison pour Concordia. Et on joue vendredi à l'église. Donc après 5 matchs, on va avoir une très bonne idée de ce qui va se passer pour nous pour la fin de saison. Donc c'est un gros défi pour les joueurs, un gros défi pour les coachs. Donc il faut préparer ça et gérer ça comme il faut. Et je crois qu'on s'attend à des très très belles choses de notre équipe. Si vous voulez parler de points de position offensive, défensive, vous pouvez faire avec Justin ou les joueurs, mais je pense qu'on a toutes les positions, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de carences, pas beaucoup de lacunes, et on s'attend à un camp, encore une fois, comme vous dites, très compétitif, et je pense qu'on va souvent en parler, parce qu'on veut être un peu plus physique cette année, donc nos entraînements ont pris un allure un peu plus intense, donc on s'attend à, encore une fois, qu'on dicte le ton aux autres équipes, et les choses vont devraient être très bien aller pour nous. Donc je vous remercie de nous suivre, d'avoir une bonne couverture. Je souhaite une très belle séance de l'huile. Alors, pour le déroulement du reste de la conférence de presse, je vous rappelle d'abord que le match contre Western est à 13h ce dimanche ici. Par la suite, pour les entrevues individuelles, bon, vous avez vos trois intervenants qui viennent de parler. Justin, bien sous le bain, Sénégaré, ça vient de la jouer avec le coordonnateur Jourdain. Si jamais vous souhaitez parler à d'autres entraîneurs ou d'autres joueurs, je vous en fais la demande à Véronique, ma nouvelle collègue qui est là-bas, ou moi-même, et on ira chercher les personnes en question. Alors, merci beaucoup de vous avoir déplacé. Bonne saison 2008.